musique. S'ils veulent qu'on arrête, on dit don't stop. Quand on fait de la musique, nous c'est folla, folla. Si tout le monde est contre toi, tu sais que la musique devient ton territoire. S'ils veulent qu'on arrête, on dit don't stop. Quand on fait de la musique, nous c'est folla, folla. Si la chose n'est pas née pas avec toi, tu dois te relever, crier fort, c'est ma musique. Je suis prêt à mourir après de tout ce que j'aime. Prêt à mourir auprès de toutes mes joies, de toutes mes peines. J'ai l'envie de vivre, mais si je meurs, c'est qu'avec elle. Avec la musique de toutes les filles, c'est la plus belle. J'ai plein de raisons pour ne pas vouloir entrer en prison. Plein de frissons à cause du destin, de sa pression. Destination partie rap, car elle est là ma maison. Elle est là ma passion, je ne suis que sa direction. Tu sais que c'est possible, mais tu sais que ce n'est pas facile. À pouvoir esquiver toutes les balles et tous les missiles. Je suis tout le temps en retard, je n'arrive jamais à leur pile. Et j'écoute presque tous les jours un fossé blessé. On a vu tellement de jeunes mourir, tellement d'enterrements. On se demande pourquoi qu'on mord avec mille tournants. La vie tout un entraînement, mais même avec 50 ans, tu continueras à prendre des choses en apprend chaque moment. S'ils veulent qu'on arrête, on dit don't stop. Quand on fait de la musique, nous c'est folla, folla. Si tout le monde est contre toi, tu sais que la musique devient ton territoire. S'ils veulent qu'on arrête, on dit don't stop. Quand on fait de la musique, nous c'est folla, folla. Si quieres calma, la música te guarda un rincón, yo en su regazo nunca le daré la espalda. Haré lo que me salga, es la verdad quien hace trampas. Nada más que busca música para dar palmas. Moviendo el cuello y rap hasta las tantas. Yo pongo el sello, empleo el tiempo que haga falta. En mi baraja nadie saca la más alta. Dime quién presume y te diré quién no resalta. Hoy aquí se pacta el plan para paliar tus ganas de escuchar un tema rap. Esto me empalma tras un clavo en la pecera. Sale fuego de mi habita cuando suena. Buena música me llena, me acelera y frena. Mella deja huella en mi sesera. No tengo claro qué será de mí sin ella. Si mis penas las ahogo con la música y no con la botella. Love music, por amor, no te pares, no te quedes fuera. Si veulent qu'on arrête, on dit don't stop. Quand on fait de la musique, nous c'est folla, folla. Si tout le monde est contre toi, tu sais que la musique devient ton territoire. Si veulent qu'on arrête, on dit don't stop. Quand on fait de la musique, nous c'est folla, folla. Si la chose n'est pas née pas avec toi, tu dois te relever, crier fort, c'est ma musique. Dicen que no saben lo que dices, que no sabes controlar lo poco que haces. Que la vida se espera para encontrar la virtud de preguntar, de llamar antes de entrar. Y me sabes que no sabes lo que dices, que la mayoría no saben lo que hace. La virtud de la humildad, saber lo que está mal, saber que la maldad hay que dejarla atrás. Por eso me pregunta ya primero por qué, que salga la luz toda la mierda. Y es que a mí no me engañan porque sé lo que es. Ni a mí ni a mi gente aunque aguantemos bien. ¿Por qué juegan contigo y qué saber que no te engañan? Yes. Si veulent qu'on arrête, on dit don't stop. Quand on fait de la musique, nous c'est folla, folla. Si tout le monde est contre toi, tu sais que la musique devient ton territoire. Si veulent qu'on arrête, on dit don't stop. Quand on fait de la musique, nous c'est folla, folla.